L'expiation par Georges Baume. Ce soir de fête patronale, le percepteur du Scla en Languedoc, M. Chablis, avait invité son voisin Calande, le vigneron le plus important de la ville, à manger chez lui une poularde. Les deux familles vivaient dans une cordialité heureuse. C'était, pour les Calande, une chance providentielle que d'avoir à portée de leurs mains un homme probe qui, de par sa fonction, connaissait les mouvements, parfois si obscurs, de la richesse publique. Voilà justement 6 semaines que Chablis avait fait l'éloge d'une valeur des mines de Lucquin, en Asie, qu'il venait d'acquérir. Ce renseignement, d'ailleurs confidentiel, avait remué l'esprit de Calande. Encouragé par sa femme, une vraie paysanne, trapue et rougeaude comme lui, il était résolu à obtenir, ce soir, de Chablis, un achat de cette valeur merveilleuse. Mais Chablis, si scrupuleux dans la compréhension de son devoir professionnel, se laisserait-il convaincre? Le repas fut charmant de gaieté, dans la salle à manger si coquette, ornée par les soins de Madame Chablis, qui, secondée par sa fille toute jeune, avait la passion de l'ordre et de la propreté. Au moment du café, dont l'arôme savoureux se mêlait à la grasse odeur de la poularde et au parfum sucré des gâteaux, Calande interpella Chablis. « J'ai à vous demander un service. » « Voudriez-vous m'acheter quelques-unes de ces valeurs de Lucquin dont vous m'avez fait un si grand éloge ?»« Impossible, mon ami, » répondit le percepteur. « Il m'est absolument défendu de m'immiscer dans les affaires privées de mes contribuables. »« Oh, je ne suis pas pour vous un contribuable, je suis un ami. »« Pardon. Supposez que l'entreprise de Lucquin croule brusquement et que vous soyez ruiné, au moins en partie. » Le ministre peut apprendre que je suis la cause, directe ou indirecte, de votre malheur, et il me révoquera impitoyablement. J'ajoute qu'il n'aura pas tort. Ce n'est pas moi qui, en cas de malheur, aurai la lâcheté de vous dénoncer. Allons, soyez gentil, ça ne coûte rien de me rendre ce service, qui le saura. Enfin, Calande, puis sa femme, insistèrent avec une tendresse si chaleureuse que Chablis fut ébranlé dans ses hésitations. Il consulta des yeux sa femme. Ce fut un moment d'inquiétude suprême. Celle-ci, également portée à faire le bien, lui dit de sa voix douce « Tu peux céder, mon ami, nous sommes ici en famille. »« À la bonne heure !» exulta Calande. « La chose est très grave pour moi, » soupira Chablis. « Il faut que j'aie en vous la confiance la plus entière. » Quelques jours après, Calande versait entre les mains du percepteur, pour acheter des actions de Lucquin, plus de 100 000 francs, les 2/3 de son portefeuille. Pendant 1 an, il n'eut qu'à se féliciter de son opération. Mais la valeur tout à coup baissa, un jeu de bourse peut-être. Calande courut se rassurer auprès de Chablis qui lui répondit « Je n'y comprends rien. Pourtant, ce qu'il y a de sûr, c'est que je continue à croire en ces actions de Lucquin et que je ne les vendrai pas. Quant à vous, dame, je vous conseille de vendre. Drôle de raisonnement. Si vous ne vendez pas moi non plus, tant pis, ça vous regarde. » Chacun est responsable de ses inspirations. Chablis, le mois suivant, fut nommé à une perception de première classe à l'autre bout de la France, dans le Doubs. Il était un fonctionnaire des plus estimés, digne envers ses supérieurs, indulgent envers tous les contribuables du Scla, qui le regrettèrent comme un ami. À peine s'installait-il à Haute-Pierre qu'il reçut de Calande une lettre de récrimination et de plainte. À vrai dire, les valeurs de Lucquin dévalaient rapidement ainsi qu'une avalanche. Un matin, un ordre du trésorier payeur enjoignit à Chablis de se présenter immédiatement à la trésorerie pour affaire de service. Chablis trembla d'épouvante. « Calande m'a dénoncé, » balbutia-t-il. « Tu te déconcertes trop vite, » lui répondit sa femme. « S'il le faut, expose bravement à ton chef tes relations avec Calande, et tu n'auras point de peine à te disculper. »« Calande, je m'en doute, aura perfidement exagéré ma faute, ta faute. »« Oui. » Il faut bien l'avouer, je suis coupable. » Il partit tout de suite, soutenu par l'affection de sa femme, et après avoir embrassé son enfant qui ouvrait de grands yeux d'étonnement et d'angoisse. Hélas, il ne s'était pas trompé. Calande avait dénoncé au ministre l'immixtion de son ex-percepteur, dont il ne niait pas d'ailleurs le désintéressement, dans son achat malheureux des actions de Lucquin. Chablis, si calme d'ordinaire, protesta devant son chef avec indignation contre la déloyauté de son ancien ami, ajoutant que lui-même, en cette affaire de Lucquin, avait perdu les 3/4 de sa maigre fortune. Néanmoins, il dut confesser avoir commis en tant que fonctionnaire une faute très grave, toujours puni de révocation. Il rentra chez lui, morne et là, dans une ombre de colère. Un seul espoir lui restait en la clémence du ministre. Il partit pour Paris. Le ministre, agacé déjà par les réclamations de Calande, refusa de recevoir un simple percepteur auquel ne pouvaient s'intéresser les députés de son nouveau département, puisqu'il ne pouvait ni les servir ni leur nuire. Chablis rentra sans force à Haute-Pierre. Des jours passèrent, très doux, dans un silence. Il se crut oublié, presque. Parfois, il espérait que le ministre, vu les excellentes notes de son dossier, se bornerait à lui infliger une disgrâce. Mais le coup de foudre éclata, la révocation brutale, expédiée sèchement par la poste. Révoqué. La honte pour lui, pour son nom, pour sa famille. Il fallait vivre, cependant. Et qu'entreprendre à son âge, sans ressources, sans métier? Il chercha autour de lui des âmes charitables. Personne ne le regardait. Il n'était plus bon à rien. Alors il s'en alla chez lui, dans son village de Languedoc. La vieille maison des siens, qui était morte dans l'orgueil de leur fils envié, abrita sa misère. Il prit la bêche avec le courage d'un cœur fier, qui ne voulait rien devoir qu'à lui-même. Il se mit au travail de la terre, parmi les pauvres. Les beaux soleils, les sourires de sa compagne peu à peu le consolèrent. De temps à autre, quand des orages passaient dans le ciel, il se souvenait de sa fortune de naguère, qui lui semblait si lointaine. Alors, ce qui le déchirait d'une douleur profonde, comme l'éclair dans les nues, ce n'était point d'avoir perdu son emploi et son argent, mais d'avoir une fois, par son infraction à la discipline nécessaire, donné un de ces mauvais exemples qui se propagent trop vite dans la société. On l'avait frappé, c'était bien, et au sein de sa patrie, pour le bonheur de sa femme et de son enfant, il ranimait au labeur tout son être, ayant du moins la joie féconde de montrer aux autres, par sa résignation, la beauté du sacrifice. Ainsi s'achève l'expiation par Georges Baume.